Chapitre 14. Le peuple de Genève veut vivre selon l'Évangile. Mars à juin 1536. 9-14. La ville et la campagne sont évangélisées. Le conseil se fait évêque. L'État et l'Église. Difficultés. Un mois accordé aux prêtres. Furbiti délivré. Les mœurs à Genève. Une raison de l'opposition au ministre. Raison de Farel pour demander la foi. Le peuple et non les chefs seulement. Danger de l'appel à l'ensemble des citoyens. Le dimanche 21 mai. La grande question posée devant le peuple. Un boulevard contre le pape. L'inscription de la réformation. Les jeunes voix fugitifs rentrent. Tolérance. Transformation. Pâques. Point de bon ministre. Où est l'élu de Dieu ? Un peuple tout entier ne se convertit pas réellement à Dieu. Les religions païennes étaient identiques avec la nation. Mais l'Église chrétienne devait en être distincte. L'Église apostolique elle-même franchit bientôt les limites étroites de la tribu de Juda. Elle se fonda à Jérusalem, en dehors du temple, du Sanhédrin, des Juifs, et plus tard, elle s'établit parmi tous les peuples dans la liberté. Un prince ne peut décréter une religion par une ordonnance de cabinet. Un peuple ne peut la voter à la majorité des suffrages. Toutefois, il y a quelque chose de grand à voir l'assemblée d'une nation déclarer sans contrainte vouloir prendre l'Évangile comme règle de sa foi et source de sa vie. C'est ce que Genève allait faire. Les communes qui s'étendaient du pied du Jura jusqu'aux Alpes des Voirons et du Môle avaient reconnu les conseils de Genève comme leurs légitimes seigneurs en réservant leurs coutumes et franchises. Mais selon les réformateurs, ce territoire n'eût été qu'un embarras si une vie nouvelle n'était communiquée à ses habitants et ne se répandait pas dans la nation tout entière. Le commerce, l'industrie, la liberté, les lettres font beaucoup pour la prospérité d'un peuple, mais ne peuvent être sa vie. Si la parole de Dieu, si la lumière du monde ne l'éclaire, ce peuple déchoit tôt ou tard. Ces sentiments étaient assez répandus dans Genève pour que certains poètes dit alors aux paroisses réunies en vers peut-être peu élégants « Vaut-il pas mieux dire à Dieu nos secrets qu'à un grand tas d'idiots indiscrets ? Vaut-il pas mieux aux pauvres et aux débiles donner babil, pain, vin, chandelle et huile qu'aux marmots d'or, d'argent, pierre et bois rendre l'honneur défendu tant de fois ? Messieurs, disait Farel au conseil le 13 mars, il faut que la parole de Dieu soit prêchée aux paroisses sujettes à cette ville. 10 jours après, il fit de nouveau sur ce sujet à cette assemblée une grande exhortation. Les gens pieux, les hommes politiques eux-mêmes l'appuyaient. Laisser dans Genève et ses campagnes des semences de papisme était, selon eux, exposer l'État à de grands périls. Pour traverser les écueils et braver les orages qui menaçaient le frêle navire, il fallait dans tout l'équipage une cordiale entente. Quelques-uns même s'écriaient, avec un peu trop d'énergie, « Si les uns vont à prêche et les autres à messe, la République s'en ira au diable. » On se mit à l'œuvre. Les réformateurs prêchaient dans Genève, d'autres ministres prêchaient dans la campagne, des héros du Conseil parcouraient les villages et y faisaient des publications à son de trompe. Plus de désobéissance, disait-il, plus de mauvais jeux, plus de blasphème. Toutefois, le Conseil ne voulait pas exercer de contrainte quant à la foi. Les habitants de Vieux et autres villages du Mantement de Thiers en Faucigny ayant dit « De grâce, laissez-nous notre façon de vivre quant à l'Église. » On le leur accorda. Mais l'évêque, moins tolérant, excommunia ces pauvres gens parce que, quoique catholiques, ils reconnaissaient des magistrats hérétiques. Les syndics ne perdirent pas la tête et, très assurés de leurs capacités épiscopales, ils écrivirent au vicaire qu'ils déchargeaient leur paroisse de cette excommunication et les en absolvaient tout à fait. Ce qui rassura ces bons paysans. Cependant, à l'approche de Pâques, il leur prit de grandes angoisses. « Hélas, dirent-ils au syndic, étant excommuniés, nous ne pouvons communier à Pâques. Nous vous tenons pour entièrement absous, et répondirent imperturbablement les magistrats réformés. Là-dessus, ces braves gens firent leur Pâques avec grande tranquillité d'esprit. Ce sont là des actes étranges. On a soutenu que l'Église, à mesure que la société politique devenait chrétienne, devait peu à peu se fondre dans l'État. On a prétendu qu'à l'époque de la Réformation, le christianisme avait achevé sa période ecclésiastique et était entré dans la période politique. Enfin, on a ajouté qu'organiser l'Église était un travail inutile, une pure dépense de temps, une impossibilité absolue, et que des presbytères et des synodes n'étaient que de misérables jeux d'enfants. Le fait que nous avons rapporté l'absolution épiscopale émanant du Conseil était-il un premier pas dans cette absorption de l'Église par l'État? Et serait-il vrai que la réforme y mène? Au contraire, en ranimant dans la conscience chrétienne l'idée du royaume de Dieu, en rappelant à la vie et à l'action les fidèles des congrégations évangéliques, le protestantisme a ressuscité l'Église dans la chrétienté. Genève devint, grâce à l'impulsion de Calvin, le lieu où elle se constitua de la manière la plus indépendante et la plus scripturaire. L'Église ne doit point se fondre dans l'État, et l'État ne doit point se fondre dans l'Église, en dépit des demandes des socialistes et des prêtres. Loin que l'État doive survivre à l'Église, l'État est passager, mais l'Église est immortelle. Mais en vain, le magistrat s'acquittait-il héroïquement de sa charge épiscopale, il avait bien de la peine à maintenir l'ordre. Les villages de Vendeuvre et de Céligny voulaient avoir chaque dimanche une messe et un prêche protestant. Les prêtres partout demandaient la conservation des rites romains. Le conseil sentit le besoin d'expliquer l'état des choses et convoqua tous les ecclésiastiques et les procureurs des paroisses. Le 3 avril 1536, on vit se ranger le parti romain d'un côté de la salle du conseil et de l'autre maître Guillaume Farel, les autres ministres et plusieurs réformés zélés. Claude Savoie, premier syndic, s'éleva contre l'union du prêche et de la messe demandée par quelques paroisses et déclara que cette bigarrure n'était pas du goût du magistrat. Puis il dit aux prêtres, au lieu d'empêcher les peuples de vivre selon l'Évangile, embrassez-le plutôt vous-même et laissez là votre messe. Dom Claude de Puté, chanoine de Satigny, s'avança et dit « Si nos voisins du pays de Gex changent de façon de vivre, nous ferons comme eux. » Cette religion de voisinage semblait étrange aux réformés. Ces bonnes gens le faisaient l'effet de moutons qui passent ou d'autres moutons ont passé et sautent la barrière dès que le premier d'entre eux l'a franchi. « Tournez bride, messieurs, » dit Farel, « plutôt que de poursuivre votre course. » Il ajouta plusieurs belles remontrances. « Accordez-nous un mois pour étudier l'Évangile, » répondirent les chanoines. Les prêtres s'étant retirés, le conseil demanda l'avis de Farel et de Bonnivard. Celui-ci déclara qu'il fallait éclairer les consciences et non les forcer. Farel lui-même pensait qu'il ne fallait pas troubler les papistes dans leur dévotion pour ne pas les aigrir contre la parole, mais qu'on devait les attirer à l'Évangile avec une extrême douceur. Il proposa que les prêtres, pendant le mois demandé, s'adonnassent exclusivement à la recherche de la vérité. Les ecclésiastiques étant rentrés, le premier syndic leur annonça qu'à l'unanimité, on accordait leur demande. Le mois écoulé, tous ces ecclésiastiques avouèrent qu'ils ne pouvaient prouver par l'Évangile ni la messe, ni la confession auriculaire, ni autres ordonnances papales. Le frère de Guy Furbiti, qui se trouvait dans l'assemblée, déclara que l'exhortation que Farel avait faite aux prêtres était véritable selon la Sainte Écriture, selon Dieu. Il est vrai que ce personnage avait quelques raisons de vouloir plaire aux Genevois. En effet, il restait un acte à faire. On avait délivré le protestant Bonnivard, on résolut de délivrer aussi le catholique romain Furbiti, réclamé par son frère Guillaume. Guy sortit de prison le 6 avril. Il avait été condamné, on s'en souvient, à prouver ses doctrines ou à rétracter ses injures. Là-dessus, il avait demandé des livres et le conseil lui avait donné une Bible. Une Bible, avait-il dit, vraiment on se moque de moi. Comment veut-on que je prouve ma doctrine avec l'aide d'une Bible? Je n'en viendrai pas à bout dans un an. Il lui fallait les sentences de Pierre Lombard, les sermons de Thomas d'Aquin, etc., et on lui donnait une Bible. « Magnifique Seigneur, dit-il le 6 avril, je vous demande pardon. J'ai dit des choses qui vous ont déplu, j'ai eu tort, je ne savais pas comment les choses étaient. Dorénavant, je tâcherai de mieux vivre et de prêcher la vérité mieux que je ne l'ai fait jusqu'à présent. » Le conseil le fit mettre immédiatement en liberté. Farel était plus actif que jamais. Il s'occupait de la ville, des villages, des catholiques romains, des réformés, il avait surtout à cœur tout ce qui pouvait élever l'état moral et religieux de la communauté. On a exagéré l'anarchie et la corruption qui régnaient à Genève avant l'arrivée de Calvin. Le langage énergique du XVIe siècle, interprété par les esprits délicats d'une autre, a peut-être contribué à cette méprise. Sans doute, il y avait dans cette ville, avant la Réformation, une grande corruption parmi le clergé, et surtout parmi les moines. Sans doute, cette dissolution avait atteint dans la bourgeoisie des individus et même des familles. Mais un trait avait distingué ce peuple, et surtout les conseils pendant les luttes de l'émancipation politique, savoir l'union intime de la liberté avec la légalité, c'est-à-dire avec l'ordre. On vit même alors les Genevois toujours prêts au plus grand sacrifice, à celui de leurs biens, de leurs aises, de leurs maisons, de leur vie, plutôt que de perdre leur indépendance. Or, ce ne sont pas là les mœurs d'un peuple épicurien. L'admiration pour la période de la Réforme ne doit pas rendre injuste envers celle de l'émancipation politique. Il est vrai que les réformateurs, et surtout Calvin, eurent un rude travail avec cette population énergique et remuante, et que ces luttes provinrent souvent du manque de foi et de moralité que ces hommes rigides remarquaient dans tel ou tel citoyen. Mais ces luttes furent aggravées par l'intervention de l'État, à laquelle les ministres n'étaient pas étrangers, et par les punitions temporelles infligées à ceux qui enfreignaient la discipline religieuse. Nul peut-être, dans le XVIe siècle, ne comprit mieux que Calvin la distinction entre le spirituel et le temporel. Et pourtant, ni lui, ni Farel ne la comprirent, et surtout ne la réalisèrent dans toute son étendue. S'il y en avait de si insolents et abandonnés à toute perversité, disait Farel au syndic, qu'ils ne fissent que rire d'être excommuniés, ce serait à vous à regarder si vous aurez à laisser impuni un tel contentement. Les fiers républicains, qui avaient tout sacrifié pour briser le despotisme de l'évêque et du duc, furent irrités quand ils virent un autre joug leur être imposé dans les choses religieuses. Ils avaient le sentiment vrai que leur conscience devait être libre. Et si l'on avait cherché à les convaincre et non à les contraindre, on eût mieux atteint le but qu'on se proposait. Dès longtemps, Rome avait oublié que les armes de la guerre évangélique ne sont pas charnelles. Malheureusement, les magistrats et les réformateurs l'oublièrent aussi, quelquefois. Ce fut une erreur, et cette erreur fit commettre bien des fautes. Toutefois, la discipline ne fut pas le caractère essentiel des Farel, des Calvin et de leurs amis. Ils furent avant tout des hommes de foi, et d'une foi vivante. La foi était à leurs yeux la chose nécessaire, le bien par excellence. Ils voulaient que l'homme fût saint et fît de bonnes œuvres, mais pour cela il devait croire à l'amour que Dieu lui a témoigné en Christ. La foi, selon les réformateurs, est le principe puissant de la morale. Si l'homme a la foi, il est enfant de Dieu. S'il ne l'a pas, il est sous le pouvoir du mal. De plus, Farel ne voulait pas d'une réforme purement négative, qui consista simplement à rejeter le pape. Il la voulait positive, et pour cela, il fallait que les réformés crussent en Jésus-Christ. Enfin, Farel voyait de la désunion des disputes dans Genève. La communauté, l'Église nouvelle, pour être puissante, ne devait pas, selon lui, être composée de membres épars, peut-être opposés les uns aux autres. Il fallait qu'elle formât un seul corps et qu'elle glorifiât Dieu d'une seule voix et d'un seul cœur. Il désirait donc qu'il se fît dans Genève une profession publique de foi à l'Évangile. C'était à l'assemblée de tous les citoyens qu'appartenait la souveraineté dans les choses de l'État. On crut qu'à plus forte raison, c'était à ce peuple réuni selon les anciennes coutumes qu'il appartenait de proclamer la doctrine évangélique. Le vendredi 19 mai, Farel, accompagné d'Antoine Saunier, son ancien compagnon de voyage au Valais, et du pasteur Henri de la Mare, se présenta donc au conseil. « Très honoré Seigneur, dit-il, il est d'une haute importance que tout ce peuple vive dans une étroite union. Pour écarter les riottes, les moqueries, les reproches, les dissensions que la façon chagrine dont notre nation est entachée peut faire naître chaque jour, il faut nous appliquer à la douceur. Mais de plus, il faut manifester notre accord. » Puisqu'il y a une seule vérité de Dieu, il faut que tout le peuple déclare son intention de s'y attacher d'un même cœur. » Le conseil approuva cette proposition et décida d'assembler le conseil général pour cette confession de la foi le dimanche 21 mai. À Augsbourg étaient les princes et les docteurs qui avaient confessé la doctrine. À Genève, ce devait être tout le peuple. Cette différence entre les deux réformes est naturelle. La démocratie siégeait à Genève et elle était rendue encore plus chère à ses citoyens par la conviction qu'ils avaient que si les libertés des peuples avaient été abolies, c'était la papauté qui l'avait fait. Calvin l'a plus d'une fois répété. On a dit que les communes du Moyen-Âge sont sorties d'un sillon et d'une boutique. Ce fut de la boutique que vint surtout celle de Genève. Les bourguignons qui s'y établirent étaient gens de métier et changèrent volontiers leurs armes contre des outils. Quelques-uns des héros de Genève, dont le dévouement rappelle les temps antiques, sortirent de la boutique ou de l'atelier. Cependant, un appel au peuple était une action hardie, car il se trouvait encore parmi les citoyens et même dans le conseil des adversaires prononcés de la réforme, et quelques-uns d'eux étaient au nombre des hommes les plus éminents. Cet appel ne susciterait-il pas des oppositions qui renverseraient tout ce qui avait été fait ? La position des catholiques romains était des plus graves. On leur demandait l'adhésion à l'Évangile. Diront-ils oui ? Leur conscience le leur défendait. Diront-ils non ? Ils troubleraient ainsi l'unanimité, la concorde, si nécessaire alors à leur peuple. Pierre Lulin, presque septuagénaire, oncle du fier huguenot Jean Lulin, était un des catholiques les plus fervents de Genève. Ne pouvant se passer de la messe, il avait demandé, en septembre 1535, de la faire célébrer par un prêtre dans une chapelle de Saint-Gervais qui était sa propriété. Un autre notable, le syndic Ballard, avait cessé, il est vrai, d'être partisan de l'évêque, mais il s'était réfugié dans un catholicisme plus spirituel que celui de Lulin, et pourtant tout aussi prononcé. Selon lui, l'Esprit-Saint gouvernait l'Église romaine. Cette Église communiquait cet esprit à ses membres et leur imposait l'obligation de retrouver ses dogmes dans l'Écriture. Lulin et Ballard, d'autres encore, eurent alors ensemble de fréquentes conférences. Ce n'étaient pas seulement les catholiques sincères que l'on avait à craindre. Des jeunes voix peu croyants leur donnaient la main et criaient contre la réformation, surtout à cause de sa rigueur morale. Les réformateurs n'étaient même pas sans crainte à l'égard de plusieurs de ceux qui marchaient alors avec eux. Il y avait des hommes qui entendaient les prêcheurs, mais qui en restaient là. Ils brûlaient des idoles, mais ils ne réformaient pas leur vie. « Pour que la foi soit en sauveté, il faut que la conscience la gouverne », disaient les théologiens. « Sinon, il y a danger que la foi ne soit enfondrée et que le navire ne soit englouti en une mer pleine de tourments. » Allait-on voir se renouveler ces tumultes qui avaient tant de fois troublé les conseils généraux ? Enfin, le dimanche 21 mai, ce jour à la fois tant désiré et tant redouté, arriva. Les cloches sonnaient, la clémence jetait au vent ses paroles inscrites sur son airain. « J'appelle le peuple, Jésus, sauveur des hommes, fils de Marie, salut du monde, sois-nous propice et clément. » Les bons citoyens se disaient en se rendant à l'appel que ce jour mettrait fin à d'innombrables combats et que la cité, si longtemps déchirée par des ronces et des chardons, allait maintenant être couverte par la main de Dieu, de fleurs et de lauriers. L'émotion semblait générale. On voyait dans l'église, outre l'ensemble du peuple, les ambassadeurs de Berne et parmi eux le chef de l'armée libératrice, Nageli. Un des plus héroïques genevois et des chrétiens les plus sincères, l'intrépide Claude Savoie présidait l'assemblée. Il prit la parole. Il rappela la fuite de l'évêque, l'arrivée de l'évangile dans Genève, la délivrance magnifique accordée à cette cité, puis il ajouta d'une voix qui retentit dans toute la nef, « Citoyens, voulez-vous tous vivre selon l'évangile et la parole de Dieu, telle qu'elle nous est prêchée chaque jour ? Déclarez-vous ne plus vouloir ni messe, ni image, ni idole, ni autres abus papaux, quels qu'ils soient ? Si quelqu'un sait et veut dire quelque chose contre la doctrine qui nous est prêchée, qu'il le fasse. » Il y eut alors un grand silence. On était dans l'attente. On se demandait si quelque voix, amie de Rome ou du plaisir, n'allait pas protester contre la réforme. Le vieux et dévot Pierre Lulin, le catholique spirituel Jean Ballard, le léger Jean-Philippe, l'épiscopal Malbuisson, Richardet, Ramel, de la Rive et d'autres, connus par leur attachement à Rome, vont sans doute répondre à l'appel du premier syndic. L'heure sonne, Genève va décider de son avenir. S'il est vrai que le pape soit le vicaire de Christ et comme Dieu sur la terre, qu'on le dise, maintenant ou jamais. On attendait encore, mais pas une parole n'interrompait le silence solennel du peuple. Nul ne s'opposait. Le fait fut dûment constaté. Alors d'autres accents que ceux que l'on avait prévus retentirent sous les voûtes de la cathédrale. Était-ce la voix du pieux syndic levée, ou celle de l'un des 200, ou une autre sortant du milieu de l'assemblée? Les registres du conseil ne nous l'apprennent pas. Cette voix, parlant au nom de la nation réunie, s'éleva et dit « Tous, unanimement, avec l'aide de Dieu, nous voulons vivre en cette sainte loi évangélique et selon la parole de Dieu telle qu'elle nous est annoncée. Nous voulons délaisser toute messe, image, idole, autre cérémonie et abusion papale et vivre unis les uns avec les autres en obéissance de justice. » Ces paroles étant achevées, tout le peuple leva les mains en l'air et prononçant un serment unanime s'écria « Nous le jurons à Dieu, nous le ferons avec l'aide de Dieu, oui, nous le ferons. » L'assemblée se sépara et les citoyens se retirèrent en se disant qu'aux tyrannies innumérables de Pharaon, le duc, aux ténèbres des enchanteurs, les prêtres, succédait la douce lumière de Jésus-Christ et le souffle vivifiant de la liberté. Ceux même des Huguenots qui avaient cherché avant tout l'affranchissement politique ne firent point entendre de voix discordante. Ils comprenaient que si ce petit peuple restait catholique, il perdrait son indépendance et deviendrait infailliblement savoyard. Mais d'autres avaient des vues plus élevées. Genève leur apparaissait comme la forteresse que Dieu avait bâtie pour sauver l'Évangile. Dieu, disait le plus ancien des réformateurs genevois, Froment, Dieu a élu ce pays fort et de difficile entrée pour en faire un boulevard contre le pape et les siens. C'est en ces rudes contrées, entourées au midi des montagnes savoisiennes et de leurs glaces éternelles, au nord des gorges difficiles du Jura, au levant des étroits passages du Saint-Bernard, du Saint-Plon, où nos amis les Valaisans, avec une dizaine d'hommes, peuvent arrêter toute une armée, c'est en ce coin béni de la terre que Dieu a planté son évangile, entourant sa parole de ses forteresses gigantesques, afin que l'ennemi ne pût ni l'atteindre ni l'étouffer. Les citoyens couvraient la place publique, les ministres montaient en chaire. « Un puissant capitaine nous a conduits, disait-il, ayons en lui seul notre fiance. Il a plus de pouvoir que tous les rois de la terre, et seul il nous a préservés contre tous nos ennemis. Ce capitaine, c'est Jésus-Christ, notre sauveur, notre rédempteur et notre haute forteresse. » Farel et plusieurs genevois demandaient quelques monuments qui rappelât à jamais la grande délivrance. Josué, après avoir passé le Jourdain, n'avait-il pas dressé 12 pierres? On grava donc sur pierre et sur acier, en lettres d'or, une inscription latine composée par Farel. Le conseil et le peuple la placèrent sur l'une des principales portes de la cité, puis sur celle de l'hôtel de ville. Et dès lors, chacun put lire ce témoignage d'une ville reconnaissante, la tyrannie de l'Antichrist romain ayant été abattue et ses superstitions abolies en l'an 1535, la très sainte religion de Christ ayant été rétablie dans sa vérité et sa pureté, et l'Église remise en bon ordre par une faveur signalée de Dieu, les ennemis ayant été repoussés et mis en fuite, et la ville elle-même par un insigne miracle rendu à sa liberté. Le Sénat et le peuple de Genève ont érigé et fait placer ce monument en ce lieu comme un perpétuel mémorial pour attester aux âges futurs leur reconnaissance envers Dieu. Cependant, les Genevois qui avaient quitté la ville pour embrasser le parti de l'évêque et du duc et combattre la Réformation étaient frappés de l'étonnante délivrance accordée à Genève. Ils se rapprochèrent. Plusieurs d'entre eux demandèrent à entrer dans leur patrie. Genève évangélique vit avec joie ses enfants prodigues heurter de nouveau à la porte de la maison paternelle et les accueillit moyennant l'engagement d'obéir aux lois et de contribuer aux impôts d'une manière proportionnée à leurs moyens. Il fut pourtant défendu à quelques-uns de porter ni épée ni couteau, si ce n'est pour couper du pain. « Mettons fin à toutes haines et désordres, disaient les citoyens. et entretenons tous ensemble bonne amitié. » Les prêtres et les moines qui avaient embrassé la réformation furent dédommagés des revenus dont ils se trouvaient privés. L'État, voulant témoigner à Bonnivard sa reconnaissance, paya ses dettes, lui donna la bourgeoisie, la maison du vicaire épiscopal, la charge de membre des 200 et une pension de 250 écus d'or. L'ancien prieur de Saint-Victor, substituant l'union chrétienne à la vie déshonnête des moines, se maria. Genève, évangélique, donnait l'exemple d'un grand support. On y montrait envers tous de la patience, de la douceur. Les jeunes voix lisaient dans l'Écriture « La charité endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Et ils agissaient dans cet esprit. « Je ne puis aller au prêche, très honoré Seigneur, disait le timide Malbuisson, parce que je suis goutteux. » Cette raison ne pouvait être accueillie que par un sourire, car la goutte n'empêchait pas Malbuisson de venir au conseil, mais nul ne voulait le contraindre. Si même les plus zélés cherchaient à amener les récalcitrants à l'Évangile, ils n'insistaient pas. On voulait mener Ballard au sermon, et il n'y allait pas. On voulait qu'il sortît de la ville, et il y restait. On voulait fermer sa boutique, il était grand marchand de fer, et à peine son magasin était-il fermé qu'il le rouvrait. Il resta membre du conseil et en remplit les fonctions. Girardet de la Rive porta son enfant à une lieue de la ville pour le faire baptiser par un prêtre. Et pourtant, il fut de nouveau syndic en 1539, en 1543. Et en 1547, du temps de Calvin, l'un des 6 rédacteurs des ordonnances de justice. Ces terribles huguenots étaient bons enfants au fond. Ils voulaient laisser le temps à leurs concitoyens de comparer la vie ancienne à la vie nouvelle, la doctrine de la Bible à celle du pape. Les catholiques romains chômaient les jours de fête de l'Église romaine, voyaient les prêtres en secret, mais peu à peu leurs convictions se modifièrent. La contrainte n'étant pas employée au dehors, la vérité agissait d'autant plus au dedans. Ces hommes honnêtes lisaient l'Écriture sainte, et l'Écriture répandant la lumière dans leurs esprits les approchait chaque jour davantage de la vérité. À la fin, ces bonnes gens allèrent au prêche comme les autres. Le XVIe siècle, à Genève, était plus libéral qu'on le dit de nos jours. Quelle transformation que celle de cette ville! Les jeunes voix, ces vieux lutteurs, déposaient leurs armes au pied du prince de la paix. Cette cité tumultueuse, sans cesse exposée au brigandage des chevaliers, aux attaques nocturnes du Savoyard, aux dissensions intérieures, était transformée en un foyer civilisateur. « Profitons maintenant de notre liberté, disait Bonnivard. Donnons-nous de bonnes lois et un bon gouvernement, car selon la sentence de l'empereur Marc Aurèle, empires et grandes seigneuries sont acquis par preux et vaillants capitaines. Mais ils sont entretenus par justes juges. Vous devez à Dieu deux grâces, messieurs de Genève, l'une que votre chose publique a enfanté la liberté, l'autre qu'au sortir du ventre de sa mère, elle a trouvé des nourrices prêtes à lui donner un aliment tel que votre république, si vous en profitez, sera sinon d'immortelle, ce qui est impossible, au moins de longues et verdoyantes durées. Genève, en effet, devint à la fois ville libre, ville lettrée et ville évangélique. Le jour de Pâques 1536 fut un des grands jours de la rénovation de ce petit peuple. Farel, placé à l'humble table qui avait remplacé de pompeux autels, rompit le pain, bénit la coupe, tandis qu'une foule calme mais solennelle s'approchait des symboles du corps et du sang du Sauveur. « Oh, dit-il, quelle scène nous avons eue, et que le Seigneur nous a fait de grandes choses !» Toutefois, il en désirait de plus grandes encore. Je demande à celui qui a augmenté ce petit troupeau au-delà de toutes nos espérances qu'il l'accroisse encore davantage en augmentant la foi. Mais le réformateur était alors presque seul à Genève. Froment avait été appelé à Aigle et Viray s'était rendu à Neuchâtel. Farel succombait à la peine et demandait à grands cris du secours. Il fallait, selon lui, aux Genevois, un homme nouveau, un autre que lui. Son incessante énergie, sa manière un peu rude, les victoires même qu'il avait remportées, avaient inspiré aux esprits peu religieux des préventions qui pouvaient nuire à la cause de l'Évangile. Farel était plutôt de ceux qui fondent les sociétés que de ceux qui les organisent. Ils le sentaient et désiraient remettre à d'autres mains dans Genève l'établissement définitif de l'Église pour se rendre dans des lieux nouveaux où il put accomplir de nouvelles conquêtes. Ils ressemblaient à de nobles coursiers qui hennissent après les combats. Où trouver l'homme de Dieu qui devait achever l'œuvre? On cherchait partout des ministres, mais inutilement. La réforme était exposée à périr, non pas faute d'ouvrage, mais faute d'ouvriers. Hélas, s'écriait Farel, où faut-il prendre tous les prédicateurs dont nous avons besoin? C'est ce que j'ignore complètement. D'anciens prêtres, d'anciens moines se présentaient, il est vrai, fréquemment. Mais quels ouvriers que ceux-là? Un jour, c'était un imbécile sans aucune capacité. Un autre, c'était un lâche, qui ne se souciait nullement d'entreprendre une tâche pleine de dangers. Celui-ci était immoral, celui-là rempli de lui-même. L'un était tout mondain et l'autre tout monacal. Farel était désolé. « Vous me parlez de Denis, disait-il, mais Denis est moine, de la tête aux pieds. » Le réformateur avait tant de peine à écarter ses prétendus collaborateurs qu'à combattre des ennemis acharnés. « Donnez-vous garde de la tonsure, disait-il à ses amis, de la tonsure et des tonsurés. Il nous faut, disait-il, non point de ces flirteurs des Écritures, qui les tournent à tout vent, comme font les banderoles plantées sur les tours, point de ces flatteurs de princes et de magistrats, qui veulent leur agréer à cause de leur ventre ou par crainte d'être chassés, point de ces moines dissolus, qui ne cherchent qu'à plaire à monsieur et à madame, non, non, point de ces mercenaires, car il serait à craindre, si nous les prenions pour conduire les troupeaux, que nous ne nous engagions dans un labyrinthe plus inextricable que celui par lequel nous avons passé. Il fallait alors non seulement à Genève, mais à l'Europe occidentale, un bon pasteur craignant Dieu, comme parlait Farel, un docteur qui exposât avec science les enseignements des saintes Écritures, un évangéliste qui, par une parole pleine de vie, convertit les âmes à Jésus-Christ. Un champion qui combattit courageusement les docteurs de Rome et les amena captifs à la vérité. Un esprit administrateur qui sut établir l'ordre dans les églises de Dieu. La terre avait tremblé, d'anciennes constructions avaient été renversées. Il s'agissait d'élever à leur place un édifice plus conforme au plan primitif, où il y eut plus d'air, plus de lumière, plus de chaleur. Où trouver l'homme qui, doué de la sagesse de Dieu, comme Salomon, lui élèverait un temple qui manifestât sa gloire? On regardait de côté et d'autre, on cherchait avec persévérance, mais inutilement. Et pourtant l'homme que Dieu avait élu ne devait pas tarder à paraître.